Bonjour à toutes et à tous. Vous entendez peut-être un léger tic-tac. C'est celui de la pluie qui tombe sur ma voiture. Je suis en fait dans ma voiture parce que mon enfant ne s'est toujours pas endormi. Et donc, c'est la seule possibilité que j'ai de m'isoler un tout petit peu. Mais je trouve que tout cela ne peut que créer une atmosphère encore plus poétique, si vous voulez. Tout autour, c'est les brouillards du soir. Il est 20h40. Nous avons vu lors de notre dernier cours comment deux modèles de projection de l'image engendrer deux expériences très différentes, deux façons très différentes d'être spectateur. La lanterne magique avec son espace de projection qui devient l'espace dans lequel le public trouve sa place était une fascination domestique, était une fantasmagorie domestique qu'on partageait avec ses proches ou avec ses amis, tout étant à la maison. Alors que le panorama était conçu pour un public, mais un public au sens du spectateur, de l'individu. Parce que nous étions accompagnés et menés le long de ces couloirs sombres et puis à travers l'escalier qui finalement permettait d'accéder à la terrasse, à la terrasse, à la plateforme. Et disons, sans être